d'Israël, on est dit par l'Éternel, j'aimerais franchir les Jourdains par un miracle divin. Je serai d'obstacle puissant, juste au seuil des canons. Viens t'arrêter les rentrants, c'est la pierre Jéricho, Jéricho, Jéricho, Jéricho. Proclame joyeux écho, la louange fait couler tous les murs, les pistes. Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclame joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus épais. Tout le peuple circoncis, consacré sans compromis, et le milice du ciel sont aux côtés d'Israël. Et Dieu dit à Josué, cette ville du péché, avec ses soldats, son roi, je vais la vaincre avec toi. Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclame joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus épais. Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclame joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus épais. Tout le peuple obéissant au son des clairons puissants, avec l'arche à faire le tour des saints murs durant sept jours. Et soudain Josué dit, cette ville poussant le cri, l'Éternel nous a livré cette arrogante cité. Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclame joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus épais. Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclame joyeux écho, la louange fait couler tous les murs les plus épais. Tout le peuple d'un seul cœur cria gloire au Dieu vainqueur. Et dans un puissant fracas, la muraille s'écroula. Et c'est la divine loi, l'obéissance, c'est la foi, les louanges d'un cœur pur font crouler les plis au mur. Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclame joyeux écho, la louange fait crouler tous les murs les plus épais. Jéricho, Jéricho, Jéricho, proclame joyeux écho, la louange fait crouler tous les murs les plus épais. Dieu merveilleux et saint, nous te remercions ce soir, nous adorons ton nom merveilleux pour ce grand privilège que tu nous accordes de nous approcher de ton trône ensemble dans la maison de Dieu, nous approcher de l'évangile, la bénédiction la plus précieuse. que tu nous as confié sur cette terre, que nous avons entre nos mains. La parole bénie éternellement. Alors que nous voulons l'aborder, le Saint-Esprit, qu'il soit avec nous pour nous nourrir de la nourriture de Dieu au fin fond de nous-mêmes et que nous soyons équipés pour l'œuvre de Dieu et pour les missions divines que tu as chargées dans chacun de nous. Certains les connaissent déjà et d'autres s'ignorent complètement. Mais nous venons devant toi pour nous découvrir, pour nous identifier, pour être identifié conformément à ta parole, à ton plan éternel. Bénis cette réunion, réveille les chants de louange et toutes les bonnes choses que nous avons amenées. Puisses-tu nous retirer de la boue du péché, de tout système d'incrédulité, de toute influence du péché. Nous voulons l'influence du bien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tire-nous de la vie animale. Pour nous distinguer comme des personnes ayant une âme. Pour être redressés durablement. Ramenés sur le droit chemin. Père, nous revenons à toi. Le souverain berger. Le bon berger. Pour que tu prennes soin de nos âmes, de tous nos êtres, et que ta puissance soit à notre secours. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur maintenant. Dans Luc au chapitre 7, le verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant : un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Bayoka ki somo pe bakumi saki nzambe ete mosakoli monene abimi kati na biso pe ete nzambe ayei kotala bato na ye. Luc chapitre 4 Luka mokapa minei verset 23 molonga tukumi bale na misato jusque au verset 27 tukumi bale na sango. Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Alobaki mpena bango ete na solo bokolo banangai lisese oyo ete monganga bikisa nzoto na yo mpenza makambo yonso mayoki biso mabimaki kuna na kapala na luma sala bongo mpe awa na mboka na yo. Alobaki ete nalobi na bino solo ete mosakoli moko te anyangelami na mboka na ye mpenza. Nde nalobi na bino na solo ete basi bakufeli mibali bazalaki mingi na Isalele na ntango na Eliya, wana azipamaki likolo mbula misato na sanza motoba, boye nzala monene ezalaki na mokili mobimba. Nde Eliya atindamaki na moko na bango te bebele na Salepata na mokili na Sidona epai mwasi akufeli mobali. Bato na mbala bazalaki mingi na Isalele na ntango na mosakoli Elisa. Nde moko na bango apetolamaki te Bebele na mana musulia. Wana oyo, wana eyokaki bango makambo oyo, bato yonso kati na yanganelo, bagange, bagangelaki ye na kanda. Jean, chapitre 10. Yohane mokapo ya zomi. Le verset 11. Molongo ya zomi na moko. À 15. Kino zomi na mitano. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Moïbi akoyaka bobele pona koyiba mpe koboma mpe kobebisa ngai na ye ete bajala na bomoi mpe ete bajala na bomoi koluka mingi. Ngai najali mobateli malamu. Mobateli malamu akotika bomoi na ye pona bampate. Mosali na lifuti ye mobateli te ye mpe mokolo na bampate te. Ekomona ye ete nkoi ajali koya ko akotika bampate pe akokima koi akopunza bango mpe akopalanganisa bango po ete ajali mosali na lifuti mpe akotiela bampate motema te. Ngai najali mobateli malamu. Nayebi ba oyo na ngai mpe ba oyo na ngai bayebi ngai. Lokola tata ayebi ngai mpe ngai nayebi tata mpe nakotika bomoi na ngai na pona bampate. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botanjelo banaye. Bonsoir maintenant. Nous allons annoncer l'évangile de Dieu. Lui rendant grâce de ce grand privilège qu'il nous donne d'être à son service chacun de nous. Et être présent ici dans la maison de Dieu. Un grand privilège. Plusieurs ont quitté la terre. D'autres sont gravement malades. D'autres sont bloqués dans des maisons. Ils n'ont même pas bougé. À cause de l'insécurité, à cause de l'extrême pauvreté, à cause de la misère et la famine. Mais Dieu t'a donné la liberté de mouvement et d'existence. Il t'a donné tous les membres en bonne santé. Tes mains, tes bras, tes pieds, tes pieds, je vais te montrer. Et pour cela, nous lui devons reconnaissance. C'est un devoir. Mais aussi l'idéal de vie pour nous. Et d'adorer celui qui nous a fait. Nous devons le faire. Adorer Dieu qui nous a fait. Ne pensez-vous pas? C'est un devoir, un idéal de vie. Parce que si c'est juste un devoir, bon, on peut mal le faire à cause de la contrainte. Nous le faisons malgré nous. Je le fais malgré moi. Sinon vraiment, non. C'est pas qu'un devoir, mais aussi un idéal de vie. Dieu, en tant qu'adorateur, en tant qu'objet d'adoration, il a créé les humains pour qu'ils l'adorent. Donc la vie que Dieu nous donne, nous l'utilisions en vue de l'adorer. Chaque jour, à tout instant, en toute chose, et partout, notre devoir de vie, l'idéal, à ne jamais rater chaque jour, à tout instant, à chaque heure, c'est d'adorer Dieu. Et n'est pas adorer Dieu, c'est pécher gravement. Et donc, faillir à la mission essentielle de la vie humaine. C'est manquer le but. ne pas adorer Dieu. C'est manquer le but. Donc, rendre sa propre vie insensée. Même inutile. Quand on ne peut pas adorer Dieu. Donc, le souffle que nous aspirons, sa raison d'être, c'est adorer Dieu. Les mouvements que nous manifestons, les raisons d'être, c'est servir Dieu. Donc, chaque humain doit adorer Dieu. Chaque personne doit adorer Dieu. Dans les psaumes 150, vous savez qu'il est écrit ceci. Psaume 150, Le verset 6. Bon, je peux prendre le verset 1, je saute ensuite, je prends le verset 6. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Il faut le faire. Les louanges font partie de l'adoration. Dans l'adoration, il y a l'exaltation de Dieu. Il y a la bénédiction et l'élévation de son nom. Il y a la reconnaissance de ses faits et de ses offrandes. Il y a aussi les louanges que l'on lui doit. Et il y a aussi des offrandes qu'on lui donne. Frère Branham me dit que donner à Dieu les offrandes, ça fait partie de l'adoration. Vous l'adorez en lui donnant des offrandes, en lui offrant des choses. Ça fait partie de l'adoration. Vous lui donnez tout ce que vous êtes. Votre vie et le membre de votre corps. Vous lui donnez ce que vous possédez, ce que lui vous avez. Vous prélevez une part sainte, une portion sacrée. Vous ça fait partie de l'adoration. Les louanges aussi. Chantez à Dieu des cantiques merveilleux, spirituels. Ça fait partie de l'adoration. Les prières sans cesse. Priez inlassablement. Priez en permanence. Priez constamment. Ça fait partie de l'adoration. Tout cela. Alors on dit, louez l'Éternel. Louange. Louez Dieu dans son sanctuaire. C'est pour ça que nous sommes réunis, non? Quand nous rassemblons, nous formons un sanctuaire. Un lieu saint. Et dans son sanctuaire là, il est ordonné que nous puissions louer. Pas louer Satan. On n'est pas ici pour parler des œuvres de Satan. On ne peut pas se réunir et dire qu'on a donné le victoire à quelqu'un pour qu'il fasse un témoignage. Et quand il commence à témoigner, il ne vante que le diable qui fait des grandes choses. Il est ici dans ses affaires de bloquer les questions, de leur jeter le sommeil, en train de louer les œuvres du diable, mais dans le sanctuaire destiné à Dieu. Ça, c'est de la vision. Dans la maison de Dieu, tout doit l'honorer lui. Le sanctuaire de Satan, ce n'est pas une synagogue du diable, c'est le sanctuaire de Yahweh Dieu. La maison de Dieu, et là, c'est son nom qui doit être vénéré. Son nom qui doit être démontré grand, infaillible, bienfaiteur et toutes choses. Donc oubliez vos peines, vantons Jésus, vantons le Seigneur. louer Dieu dans son sanctuaire. Donc chaque fois que vous chrétiens, dans le sanctuaire destiné à Dieu, vous parlez du diable, vous êtes en train de déshonorer votre Dieu. Et de profaner sa maison. Arrêtez d'agir contre. Même si vous étiez terriblement impressionné par le diable à peine. Non, quand vous entrez dans le sanctuaire avec disciplinez-vous. Vous ne parlez que de hauts faits de Dieu. C'est ce qui nous préoccupe. C'est ce qui nous intéresse. Que le diable soit diminué. Qu'il soit méconnu. Que nous puissions même l'ignorer. Il n'existe pas. Il faut beaucoup plus parler de Dieu. Fils de Dieu, parle de lui, parle de lui, viens témoigner en ton lieu, parle de lui, mène les âmes à la croix, tous les sangs se répandent, qu'elles se côtes fassent leur choix. Jésus, là que nous voulons amener les âmes, témoigner en tout lieu, toi, le fils de Dieu, parlez de lui, parlez de lui, Jésus, parlez de ton Seigneur, parle de lui, que son nom soit grand. Que son nom soit élevé. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, et mon pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les et les ombres du soir ont détruit mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, détruit mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, tout mon être, ça doit se dégager. De tout mon être. Voyez, c'est ce vieux cantique ici. Je de tout mon être. Un chant se lève alors. Il y a beaucoup de merveilles de Dieu. Vous ne pouvez pas parler. Parce que perdre le temps à parler du diable, des démons, des sorciers. Oui, mais même des sorciers. Oh là là, parle de lui. Parle de lui, fils de Dieu. Oh. Voilà, c'est ça. Dieu tout-puissant. Dieu cantique numéro 151. Le vieux recueil des chants. C'est l'époque quand nous avons cru. Hein? 151. Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, et les ombres du soir, et tout mon être, dans l'élévation, Dieu tout-puissant, que tu es grand, alléluia, amen. Les grands, effectivement grands, quand par les bois, ou la forêt, gère et j'entends. Tous les oiseaux chantent. Quand sur le mont, la source avec son nom, livre Zéphyr, son chant doux et léger. Mon cœur, c'est écrit à chaque instant. Oh Dieu est amour, qui est grand. Oh, Mais quand je songe encore, quand on a le copain d'aller sous sous, Babylota lota, talando pour mon Christ, adorateur, azolota nini. Et quand je songe, au sublime mystère, wana na mabomba nyo ya monene koleka, Zambie monene koleka, a pu penser à moi, a kanisa kingai, et que son cher fils, c'est moi nané mon fanto, est venu mon frère, a pomine de konangai, et je suis devenu l'héritier du grand. Gai na pomi mosangoli ya mokonzi monene. Alors mon cœur est dit, la nuit, les jours, que tu es bon, oh Dieu est amour, il est bon, Amen. Dieu des bontés, Dieu d'amour, et comme mon sauveur, promesse d'avenir, qui soutient mon espérance, comme mon sauveur, éclatant de lumière, rayonnera de sa gloire éternelle. Et que moi, laissant les douleurs de la terre, je verrai les splendeurs de son beau ciel. Et tu crois aussi? Tu verras de tes yeux, pas les yeux de mon Dieu. Tu verras les splendeurs de son beau ciel. Au commune qui toque ton monnaie à l'eau là naïe. Pensant à cette promesse. Au banza quand il a caoyo. Je redirai alors. La commune vient sous sous. La nuit les jours. Na mon colosse n'a plus rien. Rien n'est plus grand que ton amour. Et le côté et le qui monnaie pour les cabolingo naïo. Un amour rédempteur. Bolingo na zambi bolingo alisu sous. Un amour transformateur. Bolingo akubongo la ka. Un amour qui nous bénit. Bolingo zaire que pambo la viso. Nous bénit de toute esclavage. Oui, c'est un cantique merveilleux. Il parle de la vie quotidienne. Oh Dieu tout-puissant. Comme mon cœur considère. Donc, partout où tu peux aller, tu considères l'état de l'univers. Et tout ça, savoir que c'est Dieu qui a fait. Ton Dieu. Ton Dieu à toi. Pas William Branham. William Branham. Quand les idolâtres de Branham, qui se font appeler adorateurs de Branham, quand on leur demande qu'est-ce qui prouve que Branham est Dieu, mais il a créé les secrets. Et puis c'est tout. Et fini. Oui, mais qui peut créer si ce n'est pas Dieu? Non, non, non, non, non, non, non. Dites quoi? Vous dites quoi? Mais il a créé les secrets. Il a créé les secrets. Il est le créateur. Bon. Ok. C'est bien. Malamo. Mais regardez, c'est lui qui a créé tout l'univers. Botala, il y a un bimba. Non pas seulement quelques oiseaux comptés au bout du monde. Non mais il a créé tout l'univers. Akeli molongo mobimba. Le ciel. Lola. Les étoiles qu'il y a là-bas. Autres, innombrables. Personne ne peut nous dire le nombre exact. Regardez les mers. Leurs étendues. Leurs ramifications. Les fleurs. Il y a un Dieu qui a créé. La terre elle-même. Mabele et toutes les autres planètes outre la terre. C'est l'ibanda ya kuvane la mabele. Créateur de l'univers. Bon, tu prends un prophète que ce créateur envoie. Et pour toi, comme preuve qu'il est le créateur, tu cites six écureuils. Est-ce que tu es dans le bon sens? Est-ce que Oyo Bouzo Baté? Non, soyons sincères. Au-delà des sentiments fanatiques qu'on peut développer. Vous faites du bruit, tout ça. C'est lui qui a créé tout l'univers. Même la terre où tu vis, toi. C'est lui qui a créé. Même des sites que tu ne fouleras jamais. Nous de ta mort. C'est lui qui a créé. Des choses visibles, invisibles. Maintenant, tu vas auprès des créatures de ce Dieu-là, okay, le niveau de ta médiocrité. Le lenge ya C'est ton ignorance. Des êtres que vous voyez et d'autres dont vous entendez l'histoire. Et dans le passé récent, que vous ne pouvez ni compter ni connaître, mais lui les connaît tous. Vous prenez maintenant ce Dieu-là, vous les rendez l'égal de son serviteur. Quelle médiocrité. C'est une honte. Sacrilège. William Branham n'est pas Dieu. Il est notre frère. Un prophète envoyé de Dieu. Mais un vrai. Authentique. Un grand prophète. Oui. Il n'est pas Dieu. Qui ignorance grave na bino boy. Donc bozo ye banzambe te tina po wana. Tellement vous ne connaissez pas Dieu. Vous faites n'importe quoi. N'importe qui. Tonani. Votre Dieu. Zambe na bino. Père Branham a créé combien d'hommes? Il a créé combien d'animaux? Il a créé combien de reptiles? Il a créé combien de dinosaures? Il a créé combien de planètes? Nous devons être dans le bon sens. On ne peut pas devenir stupide à ce point-là. Ne montrant que là-dedans, il y a zéro, il n'y a rien. Rien de Dieu. Et c'est pitoyable. Donc, mettez-vous dans la bonne ligne de la vérité de Dieu. Vous n'allez pas le comparer à n'importe qui. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Verset 6, on a dit, et tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. L'ordre est donné, il est sacré. Faisons-le et faisons-le. Le psaume 113. Verset 1 à 5. Louez l'Éternel. Serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Amen. Et Bosanjola, Kombona Yahweh. Kombona Yahweh et Sanjolama. Longwa Sasai Pikino, Lobiko na Lobiko. Longwa na Kotana na Moi Kino, Kolimwa na Yango. Kombona Yahweh et Sanjolama. Yahweh Ajalina Lola, Likolo na Mabota, Yonso. Kembona ye ekoleka likolo na lola. Nani akofani na Yahweh Nzambe na biso? Ye oyo akofandaka na likolo. Dieu, il a sa demeure où ça? Nzambe azali na efandelo na ye wapi? Notre Dieu. Nzambe wa biso. Incomparable. Akokani na mokote. Incomparable. Akokani na mokote. Et ceci est une vérité évidente. Oyo ezali komona na penza. Ici, dans le Esaïe, le prophète Esaïe, chapitre 40, verset 25. et suivant. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Boye, okopi mangai na nani ete ngai na jala lokola ye, oyo na bule alobi boye. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Botombo la mifo na bino likolo mpe bomonana. Nani asalaki yango? Les kimbangistes disent c'est papa Kimbangu, c'est moi Kimbangu. Bato na Kimbangu dal ko. Donc, avant de tourner yo, mais tellement ezaka kindoki, hein. C'est de la sorcellerie. L'une des formes plus graves de la sorcellerie. Ils peuvent bien lire cette question, mais vous les entendez répondre sans scrupule, hein, c'est papa Simon Kimbangu. Et d'autres qui là où il y a Mikula Sokao, ne pas aussi révolubiliser après Branham. C'est grave, hein. Quand on peut être envoûté complètement, obscurci à ce point. Qui fait marcher en ordre de leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Yehoyo akobimisa ebele na bango na motuya, akobianga bango yonso na nkombo, pona monene na nguya na ye, pe po ete ajali na makasi kati na nguya, moko pe ajali kojanga. Verset 28. Ne laissez-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'éternel. Qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Et il ne se lasse point. On ne peut sonner son intelligence. Oyobite, oyobite, Yahweh ajalin zambe libela. Motongina suka na motili. Ye akosenjate. Apolembate, bososoli na ye, eye bani soukate, apopo sanguya e pa inaye. Ok. Esaïe 45. Isaïa mokapatoukoumi nena mitano. Il est écrit ceci. Et comment mboué? Verset 14. Moulonga zomi nami, ne. 15. Zomi nami tano. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie. Ceux des Sabéens, à la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi. Ce peuple marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y en a point d'autre que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. Yahweh alobi boyete, bozwi na Egypte mpe biloko na kotekisa na Ethiopia, pe bato na Sebeya, bato milai bakoyela yo mpe bakozala na yo, bakobila yo, bakoyela yo na kanga mpe na kogumbamela liboso na yo, bakobombela yo ete Nzambe ajali na yo, mosusu ajali te, Nzambe mosusu ajali te, bobele yo. Solo yo ozali Nzambe oyo okomi bomba e Nzambe na Isalele mobikisi. Verset 5 et 6. Molongo ya mitano pe motoba. Ezaïe 45. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant. Au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Amen. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Amen. Jali yawe, pe mosusu ajalite. Zambe mosusu ajalite, bobele ngai. Nakangiyo na loketo, ata oyebi ngai te. Ete batoba yeba, longana ebimelo na ntango, pe longana elimelo na ntango ete, mosusu ajalite, bobele ngai. Ngai na jali yawe mosusu ajalite. Le verset 21 et 22. Molongo ya tuku mi balé na moko kino tuku balé na balé. Obele ya mokapo moko. Déclarez-le. Faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps les a annoncées. n'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et puissant. Bosakola boyo bisali kambona bino bolu katoli elongo moko nani ayebisaki likambo oyo kala kala nani asakolaki yango na ntango liboso ezalaki ngai te ngai Yawe Nzambe mosusu ajali te bobele ngai Nzambe na boyengebene mpe mobikisi mosusu ajali te bobele ngai. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen. Vous Amen. Tous qui êtes aux extrémités de la terre. Amen. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Bobongo na epai na ngai mpe bokobika bino ndelo yonso na mokili. Po ete ngai nazali Nzambe mpe mosusu azali te. Amen. Verset 18. Olongo ya zomi na mwambe. Car parle l'Éternel. Le créateur des cieux, le seul Dieu. Créateur des cieux, le seul Dieu. Qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Zambe Yahweh Alobibui, Yahweh Asalaki Lola. Ye ajali Nzambe ye oyo atongaki mokili mpe asalaki yango. Ye apokisaki yango. Asalaki yango eloko na mobulu te. Atongaki yango ete bato basanda wana. Ye ete ngai najali Yawe mosusu ajali te. Dites-moi, c'est moi qui m'a créé comme des cieux. Olobi na ngai, c'est moi qui m'a créé le balou la boni. Pouvez-vous citer? Bokoye kotanga. Un des cieux créés par Papa Simon. Moko na lola oyo Simon Kimbangwa Kela. Et William Branham a créé combien de cieux? William Branham a créé lola boni. Citez-les. Utanga yango soki boyebi. Et montrez-nous là où ça y est. Butali sape pa yapi yango ezali. Le ciel créé par William Branham. Lola oyo kelami na William Branham. La Bible dit. Il est lobi. Le seul Dieu c'est le créateur des cieux. Nzambe bobele moko ezali mokeli na lola. Nzambe bobele moko azalaka ezali oyo akela balola. Bon, si mango a créé Balo la boni. Et ça va, tu t'en peux pas. Tu t'en peux pas. Branham a créé Balo la boni. Voyez frère? Mon Ivan Deco. Pas pour nous minimiser. Vous allez prendre un petit peu de temps. Vous allez prendre un solo. Vous montrer que nous ne faisons pas semblant. Vous allez prendre un petit peu de temps. Quand nous vous disons qu'il y a qu'un seul Dieu. Quand vous allez prendre un petit peu de temps. On ne fait pas semblant. Vous allez prendre un petit peu de temps. Vous allez faire un petit peu de temps. Le seul Dieu, c'est celui qui a créé les cieux. Zambe, vous pouvez montrer Zali Mokeli na Balola Kuna. Citez-moi les autres cieux créés par vos dieux là. Botangelanga Balola Mosusu Kelami na Banzambe na Binoana. Les différents dieux que vous fabriquez. Banzambe Mingo Zali Kosalawana. Le matin, les jours suivants. Atongo Mokolo Molandi. Vous réveillez, vous mangez un peu de piment. La Mokeli ma pilipili Moke. Hein? Il y a même des gens qui disent que Baruch est Dieu. J'ai des pasteurs. Voyez la sorcellerie. Donc, Kozanga Moussala Kosala, hein. Donc, au moins tellement batoison de Melabino, que Bomoni Bangoba Soukana Bazoba. Bobana Kokoloba n'importe quoi, coloca même sous le soleil. En plein jour, Kala Ndokyabana Kolokasara Boutou. Bamona yeti. Mais aujourd'hui vraiment c'est sous le soleil. Les lois allaient vous venir laisser à moi ici, à moi ibouer. Moi, ma casse, je vous mettais plutôt à partir. Oh non, Kinganga Zambi. Ah frère, qu'est-ce que vous plaît à vous là? Nini Zio Ndeko. Soyez sérieux. Vous allez attendre la tienne. Zambi, hein, les songes n'abîment pas. Tout ça, c'est le diable qui essaye de se moquer. Nous sommes dans les arbres, dans les comités à côté. Dans l'œuvre de Dieu. Dans Moussa, dans Zambi. Et des crétins, des gens des crétins. Pour l'engager, battre les gens. Et les alliés qui ne mangent pas. Qui ne peuvent pas croître, grandir. Parce que vous avez beaucoup collé qui est dans mon limo. Bashiauka. Bako la gâté, bako te kala mkousse. Le mkousse est toute la vie. Ata ou leïsie, ba tonno na ba tonno ya ma desu. Ata ou l'ambele souki nini, ba mbisi ya maï et tout. A koko la te, ayaka moulaïte, ayaka pe mounen eti. Oh, non. So, que Dieu nous assiste. Zambé, un quand on voit ce que les gens font. Tango tomono batwazel kosa la. Mais. Kati. Ça nous aide, non? Il y a à affirmer notre position. Il y a que notre Dieu est tout grand. Il est infiniment grand. Notre Dieu à nous. C'est lui que nous adorons là. C'est lui que nous servons là. Il est infiniment grand. Que ceux qui croient ça disent Amen. Amen. L'obakamen wana na bosembo hein pena bolingo na fierté c'est avec fierté dans les pensa na molipango qu'il faut le dire c'est avec l'obango. Dieu est infiniment grand ndambe aleki monene mingi. Amen. Maya salape, moi et moi, tout le monde. Mais quand pour toi, quelqu'un qui a fait 2-5 miracles, c'est ça la preuve qu'il est Dieu. Mais vraiment. Non, mes amis, c'est pas bon. C'est une médiocrité inqualifiable. Inqualifiable. Inqualifiable. Ok. Alors, notre Dieu a prévu d'envoyer un prophète. Ce Dieu tout grand. Et il avait prévu d'envoyer un prophète. Dans Deutéronome chapitre 18. Nous le savons très bien. Et ce prophète devait venir. Moïse avait parlé de lui. Et ce prophète est déjà venu. Il y a des siècles. En confirmation de la promesse. Dieu a dit dans Deutéronome chapitre 18. Le verset 15 et puis le verset 18. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et le verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors, un jour, des siècles, plus de 1000 ans plus tard, après Moïse, il y a eu un homme suscité en Israël. Cet homme était l'espoir de toute une nation. La nation d'Israël a cru en lui. Et cet homme a grandi sous leurs yeux. Et cet homme, il leur dit un jour ceci. Dans le chapitre 5, il dit ceci. Jean 5, verset 45. 47. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Sokonde bokondima makomi na yete, bokondima maloba na ngai boni. Jésus les a interpellés. Yesu abendi les sosoli na bala. Qui ne voulait pas les reconnaître en sa vraie qualité. Oyoana balingaki koyeba yete na lolenge na ye oya malamu. OK. Alobi iyo. C'est lui qui vous accuse devant le Père aujourd'hui. Mofundi na biso, mofundi na bino lokata ka ngai kolobeza linga yete. Mais c'est Moïse en qui vous avez placé votre espoir. Les aliments c'est pas yapi bino, c'est lui qui a na bino. Parce que ce Moïse là a écrit à mon sujet. Autrement dit, la promesse de Jéhovah Dieu d'Israël annonçant la venue d'un prophète comme Moïse, elle était rédigée au sujet de Jésus-Christ. Elle était écrite à propos et concernant Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez ça? Sinon, si vous ne voyez pas ça de cette manière, si vous pensez que le prédicateur là, il commence à dire c'est laïque. Mais dites-moi alors, quand je dis ça, il se référait à quel texte de Moïse? Lorsqu'il dit que Moïse, non pas seulement les écritures ou la loi, on parle de Moïse de manière générale, mais il cite nommément Moïse et dit que Moïse a écrit à mon sujet. À quoi faisait-il allusion? L'autre réponse que nous vous présentons est celle-là. Deutéronome 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 18. Les deux écrits de Moïse concernent Jésus-Christ. Les alicotales là, Jésus-Christ. Parce qu'il a écrit à son sujet. Et comment il a dit là? Et Jésus en témoigne. Et il a dit que c'est la Latine. Regardez maintenant au chapitre suivant. Après qu'il ait interpellé les incrédules qui rôdaient autour de lui, ignoraient son ministère, il connaissait sa commission. Un chapitre après, nous sommes ici dans Jean chapitre 6, verset 11. Nous prenons à partir de verset 11, jusqu'au verset 14. Jésus prit le pain, rendit grâce, et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même le poisson, autant qu'ils les en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restèrent des 5 pains, donc, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Yesu akamati mikate, atondi, akaboli yango epai na bafandi, bobele bongo na mbisi yango lokola, ejalaki bango na mposa. Etondi bango alobi na bayekoli na ye ete, bolokota ndambo, itikala ete eloko ebunga te. Boye, balokoti yango pe, batondisi bikolo zomi na mibale na ndambo, na mikate mitano na loso, bitikalaki na baoyo basili kolia. Bato ba oyo bamoni elembo esali ye, balobi ete, solo oyo ajali mosakoli oyo, ajali koya na mokili. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Elles ont vu un miracle, et dans le fond, ce miracle était un miracle de la création. Jésus a créé du pain. Jésus a créé du pain. De nombreux pains à partir de pain. Outa na lipa. Toma pa mususu. Les gens qui étaient une foule nombreuse. Ont tous mangé jusqu'à se rattacher. Personne ne pouvait envier personne. Tous étaient nourris à satiété. Bango noso, balia kikino kotonda, comme les fanatiques. Il a fait un miracle de création. Il est vraiment Dieu. Non. Ils ont conclu. Jésus-Christ là. Jésus-Christ là. Il était vraiment le prophète qui t'a fait. Mais si tu étais Un fanatique qui peut faire une célèbre déclaration. Il doit être crédible. On ne conclut pas de Dieu à la légère comme ça. Reconnaissez chacun dans sa qualité. Nous savons que Jésus-Christ était Dieu. Mais après qu'on ait vu son miracle, création, ceux qui ont vu ça, qui en étaient bénéficiaires, conclu comme les idolâtres, mais ils ont conclu qu'il était le prophète. Le prophète qui doit venir. Voyez-vous la différence entre eux, bien enseignés, et nous. Des gens bien enseignés. Donc, un prophète peut accomplir un miracle de création. Mais il ne devient pas pour ça Dieu. Il demeure prophète de Dieu. Et Dieu reste Dieu. Moïse en Égypte. Il avait accompli un miracle de création. Il a pris sa verge. Il a secoué la poussière. Il l'a soulevé. Et cette poussière est devenue des mouches. De punaise. Il est innombrable. Personne n'avait vu Dieu là-bas. Pharaon et tous les Égyptiens, Moïse et Aaron, ils ont fait un geste ici qui a produit des créatures innombrables. Mais ils n'ont pas conclu qu'ils étaient Dieu. Voyez-vous la différence entre les gens bien enseignés et les ignorants de bas niveau qui ne maîtrisent rien de Dieu, qui sont prêts à qualifier Dieu n'importe quoi? Non! Jésus, par ce qu'il a fait, il a posé un acte d'un prophète. Cela ne doit pas étonner. Un prophète qui a Dieu va faire ce qu'on a. Amen. Et ils ont dit, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans. Êtes-vous là? Pendant ce temps, leurs leaders religieux continuaient à passer à côté du ministère. Continuaient par où l'attraper. Ils continuaient à les rejeter, à les nier. Mais les bénéficiaires étaient dans la foule. C'est là que les voix de la foi se sont élevées. Les croyants se sont manifestés. Voyez, quelle était la scène là-bas dans Jean 6? Vous Verset 4, nous prenons le verset 4 là, pour voir un peu le décor de ce qui a précédé le verset 11. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Et les kéli elando na ba yuda e belemi. Et ne peli e ni sonte e moni ete e belemone ne jalaki koye la ye. Alobina Philippe ete. Toko somba konga wapi ete ba oye balia. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alors baki bo epona komi kaye po ete aye baki ye penza yango e kosa la ye. Imaginez. Le Kouanzamali n'a pas mis il ne nous tente pas. Il veut voir ce que nous allons faire. C'est lui qui a la solution à nos problèmes. Il nous pose les problèmes pour que nous nous proposions des solutions. As-tu déjà pensé à ça? Toi, Dieu, dans ta tête, seulement c'est lui à qui tu viens. Poser des problèmes. Non. Des fois, c'est lui qui désoumet des problèmes. Il veut observer ta décision pour voir le degré ou le niveau de ta foi. Ce que tu fais de la parole qu'il t'a toujours donnée. Parce que tu es capable de la reproduire dans un résultat miraculeux et merveilleux. Ou bien tu es là seulement Vous avez vu la cause de la nuit, ce pain est donné. Il y a personne à côté de vous. Vous allez le faire. Rien à produire. Vous allez le faire. Il y a aussi quelque chose à produire. Vous allez le faire. Chaque semence doit produire selon son espèce. On peut tout connaître. Et pour lui, tu sais, ma colonne là. Sa parole. Il y a battu 4 ans. Il va produire pour lui des résultats. Il est beau, ta fonne est bien. Des œuvres et des miracles. Ça, la paix, ça, la langouille. Dieu attend ça de nous. Dans ma zone, il y a un mot où sache que Dieu attend aussi beaucoup de ta part. Que certains problèmes des humains soient résolus par ton canal. Donnez la parole pour que la parole résolve par toi. Prends conscience. Identifie-toi. Et reconnais ce que Dieu est en train de faire. Où est-ce qu'il veut t'amener? Va dire à Philippe. Bon, Philippe. J'aime le Seigneur, hein. Très simple. Où allons-nous trouver le pain pour nourrir toute cette foule? Et pas il va plutôt beaucoup de quoi gâter moi pas pour la coller ça bateau non ça. Pourtant il savait ce qu'il allait faire. Aïe bah qui n'y a que ça là. Mais abîmé le col là, bien que les alli, zaleza na gajana. Bon, bon, toi débrouiller ou après, toi qui ne les a ni. Et Philippe devait tourner la tête. Philippe aussi ne l'a qu'à banza. Aïe bah c'est mon co. Vous avez mongo. Je la fais bouillir. C'est. On dirait héros, mais je vais te ah bon. Mais vous avez tout là. Vous avez pas dit bouillir. C'est ok, il n'y a pas. Même, on a 19h. Pourquoi tu es sous dans le bureau? Il n'y a pas de on va voir. On a tout compris. C'est ce que nous va apprécier. Kola Kolingango. Bon. Il va trouver une solution. Oui. Lui, Philippe va proposer ça. Et Philippe, à côté ça, il y en a. Oh, comme notre ami Jésus est. Philippe lui répondit. Et il a écouté. Il a dit c'est quoi? Alors va quitter quand même mon côté. Écoutez ce qui vient de toi. Ayoka, à quoi ça vous allez pouvoir faire une propose quoi alors? Yo, qu'est-ce qu'il y a nous? Vous allez tout ça faire une idée. La zombelle est là, yo. Où ça la voyez? Bon, yo, c'est quoi le bini? Le problème, on a solution à les amis. Yébifé, non. Des fois, tu l'as. Tu t'attaques. Mais yo, quand il y a quelque chose, maintenant, évitez de nous faire la mine. Mais yo, quand il y a ça. Non, non. Des fois, il attend aussi que toi, tu... manifestation de la parole qu'il a sommeillé en toi. Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 beignets ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Philippe a dit, donc, quand Philippe a tourné, il dit, bon, vous allez tout ça. Non, regardons d'abord qu'est-ce que nous avons. Parce que c'est à partir de ce qu'on a qu'on peut dire de quoi on sera capable. Ils allaient où ça, ils comptent comme ça ce qu'ils ont en main. Attends, ils sont disponibles. Quel que soit l'endroit où je peux lui montrer, où on peut avoir avec ce qu'on a. Tout ce que j'ai dit la vérité à partir de ce que j'ai. Nous aimons ce genre d'adorateurs. Pas qu'il nie même ce que Dieu a déjà fait pour eux. Mais tellement trop envie de culpiter. Qu'est-ce qu'il t'a déjà donné? Regarde un peu. Et dis-lui la vérité. Zamba ça, ça là quand même, la vie n'a eu. Amen, c'est vrai. Mais tu es là toujours à te comparer à celle. Oh, je n'ai pas ce que l'autre là a. Et l'autre là. Mais toi, ce que Dieu te donne, tu mets ça où? Compte les bienfaits de Dieu. Tanga, Bolamu. Reconnais ce qui t'a déjà donné. Présente-le lui. Salut, il aura ajouté. Qu'il ajoute ça, ça, ça, ça, ça, toujours, yo, Zan Ragnos. Eh, là, vraiment. Et le côté. Et le côté. Et là, vraiment. Pas toi passer. Oh, pas toi passer, pas y'a même bus. C'est quoi ça? Bon, nini. Quel esprit? Bon, moli, mon nini, voilà. L'esprit de pauvreté, c'est un démon. Oui, ma bobo, les alli démon, là. Amen. A quoi, mais le côté. Même à ta, où tu colis, à quoi, mon gars, il a son de côté. Oh. Il y a de ces gens-là qui sont faits de manière à vous donner toujours l'impression que c'est vous qui êtes bien. Et lui est toujours à mauvaise position. Mais margoulet. C'est pas bon. Soyez honnête. Vous allez battre un sembo. Si tu n'as que 100, dis je. Vous allez gober le mokama, le bazar le mokama. Si tu n'as que 20, dis 20. Donc vous allez tourner balé, va tourner balé. Si tu as 200, reconnais le mokama mi balé, le bazar mokama mi balé. Il faut, oh, ce que nous avons 200, à comment est-ce que nous avons un bon ami? Le bazar, il a 5. Tu penses que Dieu ne va pas voir dans ta poche? C'est que tu caches ce que tu as oublié. Vous allez que tu as oublié. Tu as oublié. Tu as oublié. Mais Dieu, c'est qui t'a donné? Il a sali au sani. Zamba, il y a des trucs fait ça, yo. Amen. Alors, il lui a dit la vérité. Allô, bien, vous bien, vous solo. Dis. Allô, bien. Écoute. Soka. Quel que soit le marché, on va aller. Attends, je fais pas plutôt que Kenda. Toi, tu demandes où est-ce que nous pouvons aller? Yo, autour de faire plutôt que Kenda, pour t'amuler, pour n'abattre. La question là est sérieuse. Autour d'aller dans les penda, y a. Donc, nous devons mettre tout. Mais ton milieu, la vérité, avant tout ça, le déplacement. Nous devons connaître qu'est-ce que nous allons faire. Quelles sont les possibilités de là où nous allons. Un chrétien doit être pragmatique. Un chrétien ne doit pas être un rêveur. Un chrétien ne doit pas être un rêveur. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va faire les miracles? Ils ont commis à faire le miracle. Et tout. Tu engages Dieu là où il t'a rien. Au côté, c'est le côté. Ou non. Et si j'ai là quelque chose que ça le marron. Attends, un petit mot qui est là. Tu ne soyez pas ce genre de rêveur là. Vous allez aller pour annoncer déjà de merveille. Vous allez aller pour le balatine à Boulogne. Que Denis y aura, il faut que Dieu te parle. Vous allez aller pour le balatine à Boulogne. Vous allez aller pour le balatine à Boulogne. Vous allez que sa volonté soit faite. Nous ne savons pas ce qu'il fera. Ni comment il va le faire. Nous restons humbles. Nous restons ce qui est disponible. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Philippe dit. Philippe Alobi. Ma colombie balé na serre ou na ma colo. Dans autre ma colo, ma belle. Colo. Attends, tu veux wapi. Attends, grand marché, supermarché. Il vous serviez sur nous. Nous sommes quelques-uns. Nous serons débordés. Alors pour ne pas créer de problèmes, on a des problèmes à résoudre. Voilà le fait, voilà la réalité. Tala makambo, tala bosolo ya nyoso. À toi Seigneur de faire mieux que nous. Na yo polo ko sala o le tio bizo zali ko sala awa. On ne peut pas sonner ton intelligence. Ko ki ko nongo to ko iba maile na yo. On est mieux que nous. Oui, malamu ko le kabiso. Et c'est ce que tu vas faire. Oui, binino ko sala. Gloire à Dieu. Il y a un croyant cohérent. Et ça là, na mundi ma zali, pensa na mulongo. Azali ko sala makamu na lulenge zali. C'est vrai.